Tadinho il est mort, maintenant c'est ses pequeños, enfoiré. Ça m'a dit M.K.L. faut que tu les choques. Faut que tu sortes la classe, c'est je veux pas te croiser qu'en lock. Tous ceux qui croyaient pas en moi, je les vois fermer leur boc. Ma réussite prendra la parole, pas besoin que je les foque. Et j'en prête serment. J'en ai en stock, t'inquiète, j'ai pris ma place dans le jeu. Ils ont la mort, que ma sale équipe est dangereuse. J'dois péter le score, j'arrête pas tant que j'ai pas tout ce que je veux. Faut le disque d'or quand je l'aurai, faudrait encore viser mieux. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'veux tout maintenant, j'ai pas sommeil. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'dors pas tant que j'amasse pas d'oseille. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Matrixé, j'manquerai pas l'appel. Comme ça plus tard, j'mettrai bien mon fils et ma belle. Quand j't'ai mis, non, j'harcelais les labels. Aujourd'hui y'a trop de joie, j'vois que le succès m'appelle. Refrain faut le faire, yeah. Mentalité d'Arze Pequeño. Prêt pour la guerre, yeah. Mentalité d'Arze Pequeño. A l'ancienne j'sortais pas de la maison, de la maison. Maintenant j'fais que bouger pour les projets. La familia avait bien raison, bien raison. Ça a pris du temps mais ça a payé. Du coup là j'file prendre de l'inspi au bled ou à Mexico. T'as fait un show comme boum et déjà j'fais que taper des gros combos. Yeah yeah, ceux qui me supportent veulent de la frappe à pato. J'vais en donner, faut que j'investisse à Dallas. La vie que je veux, tiens comme t'es le Delve et la Berline, merci le karma. J'ai plus de blé, mais bonne nouvelle, j'me relâche, j'suis calé dans le sauna. Faut la pratique au poignet gauche, au poignet droit, la détona. Faut la pratique au poignet gauche, au poignet droit, la détona. Yeah yeah yeah yeah yeah. J'veux tout maintenant, j'ai pas sommeil. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. J'dors pas tant que j'amasse pas d'oseille. Yeah yeah yeah yeah. Matrixé, j'manquerai pas l'appel. Ça plus tard j'mettrai bien mon fils et ma belle. Quand j't'ai mis non j'harcelais les labels. Aujourd'hui y'a trop de joie, j'vois que le succès m'appelle. Refrain faut le faire, yeah. Mentalité d'Arze Pequeño. Prêt pour la